plus long, c'est moi. Tous ces mois passés sans toi, à compter les heures, les jours, l'instant de ton retour. De juillet jusqu'à septembre, enfin tu seras l'été sur la plage ensoleillée, le sable brûlant.